Ainsi se termine votre nuit rêvée, Jean-Marie Perrier, au cours de laquelle nous avons pu entendre une toute petite partie de votre univers, parce que, mais tant mieux, parce qu'en 7 heures, on ne peut pas raconter le monde qui a enrichi la personne et le monde que l'on a enrichi, parce que vous avez enrichi le monde aussi, vous. Allons bon. Voilà un nouveau métier. Vous avez enrichi le monde, vous avez fait plaisir à des milliers, des millions pas, même de lecteurs dans Salut les copains. Non, mais ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir parler comme ça d'une façon détendue et désordonnée. Ça, c'est très important. Moi, j'aime bien ça aussi. Alors, et familial, en tout cas, nous n'avons pas de lien familial, mais en tout cas, vous avez parlé de votre famille, vous avez parlé et laissé parler Jacques Porel, puis Françoise Hardy. Presque, c'est la famille, Françoise Hardy. Absolument. Une émission sur Réjeanne, votre arrière-grand-mère, racontée par Béatrix Dussan, votre marraine. Alors, oui. Vraiment. François Perrier qui disait un texte d'Ernest Hemingway, votre père. Puis, une émission consacrée à Paul Jégoff. Puis une autre à Pascal Jardin. Et à l'instant, un mardi du cinéma consacré à votre héros. Parce qu'il n'a tourné que 3 films, mais il a eu raison, sans doute. James Dean. Il a eu raison? Oui, il a eu raison. Parce que je vois déjà dans la deuxième partie de Géant, et quand il joue les vieux, je suis pas sûr que ça aurait été vraiment... Non, je crois que c'est bien. Il vaut mieux disparaître au plus beau. Je crois vraiment. Bon. En tout cas, Enfant gâté, c'est le titre de vos mémoires. En tout cas, j'ose dire que c'est un beau livre. Voilà. Publié chez Ixo. Oui. Bon, les autres, j'écris ce que je peux, ce qui m'amuse, bon, voilà. Non, mais je fais des... vous savez que, très important... C'est un site. Non, ça, on s'en fout, ça. Je n'ai pas fait de la pub. Non, je vous parle d'un truc qui va se faire, mais qui n'est... Donc, c'est secret, si vous voulez. Hein? Oui, c'est-à-dire que, donc, dans 4 mois, j'ai 80 ans, et pour mes 80 ans, j'ai monté une maison d'édition dans l'Aveyron, qui s'appellera les éditions Loin de Paris, et je vais sortir mon dernier livre de photographie des années 60, et... d'autres livres en tant qu'éditeur. Alors ça, c'est pas rigolo, ça, de faire ça à mon âge. Et puis, alors, dont la réédition, si j'ai bien compris, si vous m'en avez parlé, oui. du livre de Jacques Porel. Oui, sortir mon livre, le livre de mon grand-père, bien sûr, parce qu'au fond, personne ne le connaît, personne ne sait que cette histoire est extraordinaire. Donc, je vais sortir ça aussi. Voilà, mais enfin, faut pas le dire, hein, parce que c'est ce soir. Donc, la boucle est bouclée, puisqu'on a commencé avec Jacques Porel, votre grand-père, qui était le fils de Réjeanne, etc., etc. Pour tout ce qui est des histoires de famille, on lit Enfant gâté de vous, Jean-Marie Perrier, publié chez Ixo Éditions. Et puis alors pour toutes les semaines qui viennent, voilà, et ben on va voir le musée Jean-Marie Perrier à Villeneuve d'Aveyron. Absolument. Et écoutez, en tout cas... Vous êtes à l'entrée, à la caisse Non, d'ailleurs, je ne touche pas d'argent, c'est à la mairie. Non, c'est merveilleux de savoir qu'en tout cas, tout ça, ça existe, ça reste, hein, même si je ne suis plus là. Mais voilà, cette émission, ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'était... ça valait le coup, comme ma vie d'ailleurs. Vraiment, comme ma vie. Désordonné, mais pas tant que ça finalement. Parce que, si, très désordonné. Voilà. Ne commencez pas à gâcher tout. Hein. Merci Jean-Marie Perrier, c'était votre nuit rêvée donc. Philippe Garbi, Florent Bujon, Assalam Béchour, Virginie Mourtet, et bien toutes ces émissions et tous nos entretiens sont à réécouter en ligne sur le site franceculture.fr à la rubrique des nuits de France Culture et à télécharger bien entendu. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Jean-Marie Perrier. Merci à vous. Il savait rire tous mes amis, il savait si bien partager mes jeux, mais tout doit finir pourtant dans la vie, et j'ai dû partir.